Nouvelle réglementation du côté de la Wananiche. Ça a été annoncé il y a quelques semaines par le ministère de la Faune. Et question un peu de savoir la nouvelle réglementation. C'est sûr qu'il y a encore de la neige, mais ça, les pêcheurs, ça va s'en aller très vite. On parle avec Karine Gagnon, qui est biologiste au ministère de la Faune. Bonjour, Madame Gagnon. Oui, bonjour. Madame Gagnon, si vous expliquez un peu en quoi consiste cette nouvelle réglementation et pourquoi qu'on a fait ça? Pour la Wananiche au lac Saint-Jean, c'est toujours un peu particulier. On essaie de modifier la réglementation presque à chaque année. En tout cas, c'est pas nécessairement ça qu'on veut, mais qu'on vise, mais on n'a pas le choix. C'est une ressource qui varie beaucoup en termes d'abondance. Ce qu'on a observé, dans les dernières années, on était dans la phase élevée de son cycle d'abondance. Donc, c'est pour ça qu'on a été plus permissif au niveau des périodes. C'est que la période est un petit peu plus longue là, au début de mai qu'auparavant. Dans les 2 dernières années aussi, on avait augmenté la limite de prise de possession là, à 3 wananiches. Habituellement, c'était 2. Puis, en 2021, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la Wananiche semblait vouloir revenir dans la phase descendante de son cycle d'abondance. Une des mesures, là, c'est le nombre de reproducteurs qui remontent la rivière Mistassini. Donc, ce qu'on a observé, c'est une diminution. Donc, tranquillement, pas vite, ce qu'on a pour objectif, c'est de revenir aux mesures réglementaires qui étaient en vigueur là, il y a quelques années. Fait qu'on a abaissé la limite à 2. Donc, on est passé de 3 à 2 pour 2022. Puis, pour ce qui est des périodes, on a modifié aussi les périodes de pêche. Mais par contre, c'est plus cosmétique, je dirais. C'est qu'on a passé de périodes qui étaient variables là, d'une année à l'autre. C'était toujours soit le deuxième ou le quatrième vendredi du mois de mai. Donc, c'est jamais à la même date. Donc, c'était ce qu'on a voulu faire en collaboration avec la corporation L'Activité Pêche. C'est de faciliter la vie aux pêcheurs, si je pourrais dire, Ouais, c'est en mettant ça. des dates fixes. Donc, Comment là, qu'on pour les fait prochaines années, ça va pour être le 15 mai. Ouais. Pardon? Comment qu'on fait pour parce que certainement si vous êtes arrivé avec des mesures comme ça, vous savez que c'est plus donc il y a moins de wananiche, j'ai ça. Comment vous faites comment que les ministères font pour La gestion? la gestion puis de voir savoir qu'il y a moins de wananiche? OK. Un de mes indicateurs, c'est le nombre de reproducteurs qui remontent pour aller se reproduire en rivière. Sur la rivière au lac Saint-Jean, on a 4 principales rivières qui fournissent la Wananiche pour le lac Saint-Jean. La rivière Métabetchouane, la rivière au Saumon, la rivière Ashuapmushuan, puis la Mistassini. Pendant plusieurs années, il y a eu des suivis de remontée des reproducteurs. Pendant plusieurs années, de façon consécutive, c'est que toutes les rivières étaient suivies. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'abondance varie de la même façon d'une rivière à l'autre. Ce qui veut dire que quand c'est abondant, mettons, dans la rivière Mistassini, c'est abondant dans les autres aussi. Puis à l'inverse, quand on est dans le creux du cycle pour la Mistassini, on est dans le creux du cycle aussi pour les autres rivières. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le suivi seulement sur une rivière, c'est la rivière Mistassini. Il y a une passe migratoire là, qui est située dans le rang Saint-Luc. C'est ça. Chaque année, on fait le dénombrement de ce qui remonte pour aller se reproduire. Fait que ça, c'est notre premier indicateur. Ensuite, on a d'autres indicateurs pour évaluer la croissance. Parce qu'on sait qu'au lac Saint-Jean, la Wananiche est très étroitement reliée à l'éperlan, sa nourriture. Donc, quand l'éperlan va bien, les Wananiches ont une meilleure croissance, donc sont de plus grande taille. Puis, à l'inverse, quand l'éperlan est moins abondant, les Wananiches sont moins nombreuses et de plus petite taille. Donc, à partir de 2-3 sources, là, mais la meilleure source, c'est les pêcheurs. Il y a un programme au lac Saint-Jean qui est en vigueur depuis plusieurs années, là, depuis 1975. Il y a des gens de façon volontaire qui récoltent des écailles, puis ils nous transmettent ça par la poste. Fait que nous, on est capable là, de faire nos suivis de la longueur à chaque âge, donc là, pour avoir la croissance des spécimens. Dites-moi si Puis aussi, excuse, le dernier indicateur, c'est évidemment c'est l'éperlan. Chaque année, on a un projet pour suivre son abondance, là. On fait c'est un échantillonnage, là, par chalutage. Donc, on fait ça sur le lac, là, tous les mois d'août. Dites-moi si Si on parlait un peu maintenant du côté de la du côté de du COVID, on sait qu'il y a eu beaucoup de sports de plein air qui ont connu une recrudescence. La pêche, je pense, en est un, vous corrigez si je me trompe, là. Est-ce que ça peut avoir un lien que c'est qu'il y a pêché, donc il y a beaucoup plus de pêche qui fait en sorte que on a une baisse du côté de la Wananiche? Ben effectivement, là, on a observé ça un peu partout au Québec, Ouais. là, une recrudescence de l'activité là, en général là, pour Okay. plusieurs espèces. Okay. Au lac Saint-Jean, si je me réfère à l'effort de pêche, ben en 2020, en 2021, au niveau de l'effort de pêche, ça a été relativement constant. Okay. Ça, c'est les données qui sont mesurées par la Corporation de l'activité pêche, là. T'sais, 2021, là, en 2020 et en 2021, on se situait pas mal autour de la moyenne qu'on observait dans les dernières années au niveau de l'effort de pêche pour la Wananiche. Ce qu'on a observé en 2021, c'est une diminution du succès de pêche. Mais ça a fait, puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a une récolte moins abondante. Puis aussi, ben, on savait là, qu'il y avait au niveau des reproducteurs, il y avait eu une baisse aussi. Mais là, c'est pas quelque chose qui est négatif, Non, non. C'est un cette cycle, j'imagine. C'est par diminution-là. cycle. C'est même, c'est ça, elle évolue de façon cyclique depuis longtemps, la Wananiche. OK. Puis cette baisse-là, elle est juste normale. OK. Puis ce qu'on s'attend, c'est que ce soit un peu comme le dernier creux de cycle, c'est qu'il soit moins important qu'il l'a été dans les si on recule de plus que 20 ans, là. Un cycle, ça Donc, dure combien de temps? c'est environ une dizaine de 5 à 7 OK. à 7 à 7 à 10 ans, OK, 5 à 10 ans. Donc, finalement, ben, c'est un petit peu. C'est juste une petite diminution pour donner une chance un peu. Un peu comme ce qui se fait avec les orignaux l'hiver, l'automne, c'est-à-dire. C'est un peu le même principe, là. Pour redonner un petit peu c'est une gestion qui est un peu différente, là, Ouais, mais OK. ça pourrait, ça Vous attendez s'apparenter. à quoi du côté donc des autres vous attendez-tu une grosse saison de pêche dans l'ensemble? Pour l'été qui vient, Ouais. ça va probablement être quelque chose de comparable à 2021, OK. là. C'est toujours un petit peu Difficile à dire. hasardeux là, Ouais. de faire des prédictions, Ouais. mais parce que c'est une ressource qui varie tellement. Les pics d'abondance, on peut passer d'un pic d'abondance, puis en 2 ans, on est complètement dans la partie basse du cycle. OK. Mais OK. comme on a, tu sais, il y a des choses qui sont nouvelles au lac Saint-Jean, là. Il y a l'aménagement de Frayères, il y a eu l'aménagement de Frayères à Éperlan dans les dernières années. On a modifié notre façon de gérer dans le sens où on a permis plus de récoltes quand c'était le temps. Fait que ça, c'est deux mesures qui vont faire en sorte que les cycles, ce qu'on pense, c'est qu'ils vont s'atténuer. Donc, ce qu'on veut, c'est aller moins haut puis aller moins creux OK. Ben, au niveau de Karine, l'abondance. merci beaucoup pour l'explication. Je sais que ça va être en vigueur. La pêche va ouvrir à peu près quoi? Normalement, c'est à la fin d'avril. C'est sûr que ça ira Ben, pas avant. Ouais, mais ça ira pas. Ouais. La Wananiche dans la zone, c'est 22 avril, mais Ouais. pour le lac Saint-Jean, c'est le 15 mai. OK. Fait que donner la chance, 15 mai, ça évidemment. fait une couple. C'est ça, je disais tantôt, là, on a passé à des dates fixes pour que ce soit un peu plus facile pour les pêcheurs. Avant, c'était le deuxième vendredi du mois de mai ou le quatrième, là, ça dépendait de où on était dans notre cycle d'abondance. Mais là, on y va pour 15 mai, là. OK. Ben, Karine, merci beaucoup de l'explication pour le plaisir de se parler. Bonne fin de journée, au revoir. Voilà la biologiste au ministère de la Faune, Karine Gagnon, qui a expliqué la nouvelle réglementation, ce qui a trait à la pêche à voile niche, qui s'en vigueur en 2022.